Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas vu les 6 premiers mois de l'année. J'ai du mal à croire qu'on est déjà en juillet, et en même temps, je suis super excité car cet été, vous allez avoir droit à la 3e saison d'un été incroyable, qui s'intitule « Le pont coupé ». Elle occupe une place très très particulière dans mon cœur. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant ça, voici la bande-annonce. Dans la forêt de Contes-sur-Mer, se trouve un pont coupé. Une légende raconte que l'autre moitié se trouve dans le monde des fables, un univers peuplé de toutes les créatures de contes et légendes. Pour protéger les humains des idées noires qui menaçaient son monde, la reine des fables retira la pierre clé et zoup ! Le passage fut fermé pour toujours et à jamais. Que se passerait-il si 3 enfants retrouvaient cette pierre clé ? Découvrez-le en écoutant la 3e saison d'Un été incroyable, la série estivale des petites histoires. Disponible partout où l'on peut écouter des podcasts. Un été incroyable. Si cette série est spéciale pour moi, c'est parce que c'est la première fois que je creuse autant l'un des univers que j'ai créé. Contrairement aux années précédentes, cette saison sera une histoire complète, avec un début, une fin, une grande aventure, riche en rebondissements et en péripéties, avec des tas de personnages trop chouettes. Pour aller encore plus loin, on a composé des musiques originales et des tas de bruitages pour mieux vous immerger dans l'histoire. Et, cerise sur le gâteau, on a réalisé une bande-annonce animée que vous pourrez bientôt voir sur le compte Instagram des Petites Histoires. J'ai si hâte que vous l'écoutiez. J'espère qu'elle vous plaira. Et si c'est le cas, je compte sur vous pour en parler à tous vos copains, vos copines et à tous les membres de votre famille. Voilà, vous savez tout. Je vous embrasse et je vous souhaite un été super génial.